Bien-aimés, nous sommes entrés de plein pied déjà depuis quelques jours dans le grand chapitre numéro 6 de l'évangile de Saint Jean. Alors pour ceux qui ne sont pas exégètes, je vous rappelle que c'est le chapitre où Jésus va faire son grand discours sur le pain de vie, et c'est le commencement de ce discours que nous lisons ce matin. Alors il faut bien reprendre l'enchaînement des événements. Vous vous souvenez, Jésus, la veille, était de l'autre côté du lac. Il avait enseigné et il avait multiplié les pains pour 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et il avait multiplié 5 pains, 2 poissons. Il avait donné tout ça à tout le monde pour rassasier les corps. Mais il avait fait ça en signe de ce qu'il voulait faire dans les âmes. Ensuite, les apôtres étaient partis, avaient pris le bateau, étaient partis de l'autre côté, tandis que Jésus était resté sur la montagne pour prier. Il priait son Père. Voyez, ce qui l'intéresse, c'est ça, de faire la connexion entre le ciel et la terre. Il priait son Père, voyant les apôtres ramer contre le courant, ramer contre le vent, ramer contre les vagues, contre le monde. Et puis, il les avait rejoints au milieu de la mer, hein, alors qu'ils allaient peut-être s'approcher du bord. Il avait marché sur la mer pour leur faire comprendre, encore une fois, à travers ce signe, qu'il était le maître absolu de tout l'univers, qu'il n'y avait absolument rien à attendre du monde, et qu'il ne fallait surtout pas s'inquiéter pour les affaires du monde, pour les affaires terrestres. Et puis il est arrivé de l'autre côté, et là les foules s'approchent, les gens ont pris des barques, ils ont traversé, ils sont arrivés, ils se sont demandé: mais comment as-tu fait, Jésus, pour arriver ici? On t'a vu que tu n'es pas monté avec les apôtres. Et Jésus leur dit: en vérité, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes, c'est-à-dire des panneaux indicateurs, des réalités célestes. C'est sur ça les signes dont Jésus parle. Des réalités célestes. Mais vous me cherchez parce que vous voulez du pain. Vous voulez manger parce que vous avez vu que je pouvais multiplier le pain. Parce que vous me cherchez parce que votre tête, votre cœur, vos affaires, vos inquiétudes sont terrestres. Et c'est ça que vous cherchez chez moi. Alors voilà, Jésus essaye de faire comprendre à ses disciples, à tous ceux qui le suivent. Et c'est sa grande souffrance probablement. Il faut imaginer ça. Jésus sait qu'il leur a montré qu'il pouvait s'occuper des choses de la terre, mais il veut leur montrer autre chose. Il veut élever leur cœur vers quelque chose de plus grand. Et c'est le drame. C'est que les âmes, les cœurs, les intelligences, nous sommes englués dans la terre. Et nous attendons de Dieu qui nous règle nos problèmes terrestres. Et c'est ça que Jésus essaie de faire comprendre. Hier, il disait: travaillez pour les choses qui ne se perdent pas. Ne travaillez pas pour les choses de la terre. Ne travaillez pas pour le pain céleste, pour la nourriture qui se perd. Mais travaillez pour la nourriture qui demeure en vie éternelle. Et qu'est-ce qu'il veut leur dire? Il veut leur dire: travaillez pour l'amour. La seule nourriture de votre âme, absolument nécessaire, qui est celle qui doit vous donner la vie du ciel. Alors, frères et sœurs, quand je dis ça, vous voyez, je le dis avec un peu de force, parce que je sens vraiment le cœur de Jésus qui pleure, qui saigne, de voir qu'on ne veut que des trucs à manger et qu'on ne cherche pas suffisamment l'amour. Moi le premier, je vois bien combien je suis imperméable à l'amour. Alors voilà, quand on lui pose la question ce matin: quel signe vas-tu accomplir? Jésus n'arrête pas de faire des signes. Quel signe veux-tu accomplir pour que nous venions, pour que puissions te le voir et te croire à propos des choses du ciel? Vous voyez, les disciples sont là, ils ont vu tous les signes et ils demandent encore des signes. Pourquoi? Eh bien parce que leur cœur ne veut pas entrer dans les réalités célestes. Ne veut pas voir, ne veut pas croire. Ne veut pas se désengluer des réalités terrestres. Nous sommes tellement accrochés à notre bien-être, à notre petit bonheur terrestre, que nous n'arrivons pas à entrer vraiment dans les vues de Dieu. Et nous n'avançons pas. Et nous cherchons des signes, au lieu d'entrer vraiment à plein dans ce que Jésus veut nous faire vivre, et de laisser un peu de côté toutes nos affaires terrestres. Allez, ça va, Jésus s'en occupe. Ne nous inquiétons pas des choses de la terre. La maladie, le manque d'argent, le manque de nourriture, que sais-je. Tout ça, Dieu s'en occupe. Occupons-nous du royaume de Dieu, de vivre de l'amour, de chercher la sainteté, de laisser l'Esprit Saint irriguer notre âme. Et voyez, ça c'est très important de comprendre ça. C'est fondamental, c'est ce que Jésus demande. Pourquoi ? Parce qu'on peut venir à l'Eucharistie avec des désirs terrestres, en disant « je viens voir Jésus, je vais le prier pour qu'il résolve encore mes soucis terrestres ». Très bien, il faut le faire de temps en temps, il faut pouvoir présenter à Jésus les choses de la terre. Jésus s'en préoccupe, bien sûr. Mais ça n'est pas ça l'Eucharistie. Ça n'est pas ça le pain du ciel. Ça n'est pas ça Jésus qui veut venir dans notre âme. L'Eucharistie, c'est l'amour divin qui veut irriguer notre âme. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on communie ? Est-ce que nous accueillons vraiment cet amour, ce Christ qui se donne, qui souffre et qui meurt pour nous, pour que nous apprenions nous aussi à vivre de cet amour, à nous donner, à souffrir, à mourir pour les autres ? Voilà l'inquiétude de Jésus ce matin. Voilà ce qu'il veut nous faire comprendre en nous disant, voilà, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. Moïse, il vous a donné la manne, très bien, un pain terrestre pour ne pas que vous mouriez de faim dans le désert, c'est tout. Mais c'est mon Père qui vous donne aujourd'hui, je suis là, moi Jésus devant vous, aujourd'hui, le pain qui vient du ciel et qui donne la vie au monde. Vous comprenez, frères et sœurs, la vie du monde, ça n'est pas des questions de nourriture, d'argent. La vie du monde, c'est la question de l'amour. Voilà ce que Jésus veut nous faire comprendre ce matin. Alors, frères et sœurs, en nous approchant de la sainte table du pain venu du ciel, supplions le Christ de faire descendre dans nos cœurs cet amour divin, cet amour divin, pardon, parce que l'amour du vin, c'est autre chose. Cet amour divin qui emplisse notre âme de cet amour pour que nous puissions rayonner tout autour de nous et que nous vivions enfin des réalités célestes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.